بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ce qui suit est une tentative de traduction de conseils donnés par le noble Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali à l'attention de ceux qui écrivent sur Internet. Ces quelques conseils furent donnés au début de la 13e rencontre des étudiants avec le noble Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, qui est lieu le 6 du mois de Jumada al-Akhira de la 1435 de l'Hégire, à la mosquée de Bani Salima à Médine. Le Cheikh a dit: les louanges reviennent à Allah, Seigneur souverain des mondes. J'atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, seul et sans associé, l'allié des vertueux. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Qu'Allah le couvre d'éloges, ainsi que les membres de sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent dans l'excellence jusqu'au jour de la rétribution. Cela étant dit, il est un point vers lequel j'aimerais attirer l'attention. Il est lié aux écrits sur les sites internet. J'aimerais dire à mes enfants, mes frères, et à mes bien-aimés où qu'ils soient, parmi ceux qui entendent cette parole et ceux à qui elle parviendra, que premièrement, celui qui consulte ce genre de site doit prendre ses précautions jusqu'à ce que lui soit confirmé avec certitude que telle parole est bien d'un tel, que cette parole soit écrite de sa main et mise en ligne après avoir été saisie par l'intermédiaire d'un scanner, comme on dit. Cela serait donc écrit de sa propre main. Et cela correspond au plus haut degré d'authentification. Ou que cet élément qui a été mis en ligne soit retranscrit à partir d'un enregistrement audio. Ainsi, tu l'écoutes et t'assures avec certitude que cette parole est bien d'un tel. Tu l'écoutes et tu compares entre cette parole et celle qui a été rapportée, retranscrite et imprimée. Ceci car la retranscription peut subir certaines suppressions. Il convient donc à l'individu, lorsqu'il s'aperçoit d'une chose de ce genre, de ne pas se précipiter, de chercher à vérifier et de préserver sa religion à ce sujet. Qu'il compare donc cet imprimé retranscrit avec le document audio et qu'il vérifie. Et lorsqu'il aura vérifié, l'affaire sera tout autre. La troisième chose vers laquelle j'aimerais attirer l'attention concerne l'utilisation des kunya dans les écrits, tel que le fait de se présenter en disant qu'on est Abu Untel. En effet, les surnoms ont fait que les noms se sont perdus. Ces kunya ont fait que les noms se sont perdus, et c'est pour cela que les ulama dans le passé eurent besoin de consacrer des livres aux kunya. Ils classèrent les rapporteurs dont la kunya est telle, en énumérant sous ce titre de chapitre les différents noms correspondants en disant un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, puis un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, puis un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, puis en passant à une autre kunya, et ainsi de suite. Comment le détenteur de telle kunya pouvait-il être connu? Et comment pouvait-on savoir que c'est un tel qui était précisément visé par tel kunya? Il était reconnu selon le rang qu'il occupait entre les différents élèves d'une part et les différents cheikhs d'une autre. Je dis donc à mes frères, mes enfants et mes bien-aimés, parmi ceux à qui parviendra ce discours, qu'il ne se repose pas sur ce qui est écrit au nom d'un tel et un tel, d'Abu un tel et d'Abu un tel, jusqu'à ce qu'il s'assure que celui-ci est bien un tel, fils d'un tel en personne. Je dis cela, car il est établi de sources sûres qu'une partie de ceux qui se présentent par leur kunya cherchent par cela à se camoufler. L'individu se cache alors afin qu'il ne soit pas dévoilé par son nom en écrivant ainsi ce qu'il veut écrire. Il peut également chercher par cela à se faire passer pour autre que lui. En effet, il se peut qu'il y ait une personne à qui la même kunya est attribuée et qu'il cherche à tromper les gens en leur faisant croire que cette parole est d'un tel alors qu'elle n'est pas de lui. Cela nous oblige donc à prendre nos précautions. À cette occasion, j'invite donc mes frères, mes enfants et mes bien-aimés à ce que chacun se présente sous son propre nom. Ainsi, lorsqu'il est amené à écrire, qu'il dise qu'il est un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Et lorsqu'il correspond avec les cheikhs, qu'il dise « je suis un tel, fils d'un tel, fils d'un tel ». Et lorsqu'il est amené à téléphoner, qu'il ne dise pas « je suis Abu un tel ». Qu'ils disent plutôt « je suis un tel, fils d'un tel, fils d'un tel ». Ce sont les gens qui l'honoreront en l'appelant par sa kunya. Ce n'est pas à lui de se présenter par sa kunya. Voilà ce qui a été rapporté dans les bienséances prophétiques. Il convient donc d'observer cela. Aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un t'appelle, il te dit « Je suis Abu Antel ». Quel Abu Antel es-tu ? Dis plutôt « Je suis Antel, fils d'un tel, fils d'un tel ». Quant au fait de dire « Abu Antel », c'est là une manière qui ne convient pas. Il est impératif que tu fasses savoir qui tu es d'une manière qui fera que tu ne resteras pas inconnu et qui mettra fin à toute confusion. Abu Antel. Si je connaissais cet individu en personne, c'est moi-même qui l'aurais appelé par sa kunya. Quant au fait que tu m'appelles pour la première fois et que tu dises « je suis Abu Antel », c'est là une erreur et c'est contraire à la sunna. La sunna est que l'individu dise « je suis Antel » en citant son nom. De la même manière qu'il ne doit pas dire « c'est moi » lorsqu'il demande la permission d'entrer, il ne doit pas dire également « c'est Abu Antel ». Car il se peut qu'il y ait auprès de son interlocuteur plusieurs individus ayant cette même kunya. Il risquait alors de penser que tu es un tel, auquel cas il t'ouvrirait la porte et s'apercevrait alors que tu es en réalité une autre personne. Il est donc obligatoire à l'individu de dire « je suis un tel » en mentionnant son nom. Voilà concernant ce point, ce vers quoi j'ai voulu attirer votre attention, mes chers frères et bien-aimés. Il y a aussi cet autre point, qui est que lorsque survient une mésentente entre deux frères, voilà que chacun se met à écrire sur l'autre, alors qu'ils sont tous deux sur une seule et même voie, qu'ils adhèrent à une même méthodologie et qu'ils s'en réfèrent au même cheikh. Cela n'est pas une bonne manière d'agir. Il est ton frère, si tu as une remarque à faire le concernant, fais-en lui part. Mais le fait que tu le dévoiles sur Internet et que tu publies et écrives à son sujet sur Internet entre dans la propagation des défauts qu'il n'est pas permis de divulguer. Quant à ce qui a trait au domaine du savoir, c'est là un autre sujet. Le fait de réfuter les erreurs dans lesquelles leurs auteurs sont tombés est un tout autre sujet. Bien que parmi les erreurs, il en est certaines qui soient commises en public et d'autres en privé. Et il ne convient pas de propager de manière publique ce qui relève du domaine privé. Quant à la réfutation de ce qui s'est diffusé et répandu parmi les gens, elle doit être diffusée de même que la position correcte à adopter sur le sujet en question. Cela doit être diffusé entre les gens jusqu'à ce qu'ils en prennent connaissance et qu'ils corrigent ainsi la dite erreur. Quant à ce que je visais à travers mes propos, c'est plutôt lorsqu'une chose survient entre toi et ton frère. Ne te précipite pas à la diffuser tout de suite sur ces sites internet, car cela est contraire à la loyauté, ainsi qu'aux bienséances qu'il convient d'observer entre toi et ton frère. Par cette manière d'agir, tu ouvres grand la porte à l'augmentation des maux entre toi et tes frères. Donc, mes chers frères, bien-aimés et enfants, j'espère que vous avez bien assimilé cela et que vous le rapporterez aux frères de votre entourage. De plus, c'est enregistré, ça parviendra à l'ensemble si Allah, exalté soit-il, le veut. C'est une réalité à cause de laquelle beaucoup de relations entre frères se sont détériorées, alors que tout cela n'est lié qu'à des affaires personnelles. Nous demandons à Allah d'être sauvé et épargné de tout mal. C'est ainsi donc que se termine cette tentative de traduction. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.